de Thierry de Mercastel, Danse mon âme et Amitié. Texte atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Illustration musicale du site museopen.org. Danse mon âme. Danse mon âme. Le temps qui va n'a que faire de nous. Danse sous les chagrins d'automne, sous l'arbre vieux, sous ce ciel lourd, ces nuages au vol capricieux, ces lendemains se défaisant, un peu trop fous. Danse au soir trébuchant dans leur grande illusion. Vois, je n'ai plus d'âge, les saisons sont mortes, et c'est comme un écueil que le vent emporte. Et je souris, mon âme, en leur dernier frisson. Au loin, fébrile, il y a comme un air nouveau. Tout renaîtra, mais hélas, ce soir, j'ai si froid. Tout m'appelle et se dérobe. Quand enfin j'y crois, un chant s'évade au dernier vol d'un oiseau. Danse, danse, mon âme, va sous l'ocre de mes nuits, pour y creuser, à cet horizon qui se meurt, un semblant d'éternité, l'idéal ailleurs, où nous ferons semblant de nous jouer de l'ennui. Amitié, collection Proverbes. Amitié. Une véritable amitié ne se brise pas. Les blessures, les épreuves la renforcent, à condition d'en ressentir les mêmes douleurs.